check. Roll up. Yeah. Vous les avez vus, vous les avez connus, le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. C'est un cha-cha-cha signé Juan Montego. Nous sommes en 1953. Bienvenue dans la nuit des temps. De l'Angleterre. Mais à Cardiff, il n'y a pas que le ballon ovale. Il y a aussi l'immense Shirley Bassey. C'est la seule à avoir enregistré 3 titres pour la franchise James Bond, dont ce formidable Goldfinger. Alors Goldfinger, c'est un nanar atomique de 1964. C'est masculiniste à souhait et pourtant plutôt élégant dans sa réalisation. Mais la vraie puissance du film surgira du titre chanté, voire hurlé, par Shirley Bassey. Goldfinger, c'est comme un cri d'effroi devant le méchant et ce puissant Goldfinger atrocissime. En 2000, les excellents Propellerheads offrent une nouvelle jeunesse à ce titre et concluent avec quelques touches d'électro à la fin d'un monde. C'était la fin de ce monde. C'était, oui, à l'imparfait, car Goldfinger semble aujourd'hui reprendre du jus, du poil, et Charley Basset donne de la voix contre ce puissant méchant en carton. Elle hurle comme un devant un Donald Trump de série B, à la fois grotesque, obsédé par l'argent, ravagé dans son rapport aux femmes et prêt à détruire la planète pour quelques dollars de plus. Voici Charley Basset, Goldfinger. La nuit des temps, Radio Duo. Et Charley Basset. na prática. De novo samba tradicional. Volume 3. Luísa. A gente te ama. Elle avait collaboré en 2017 avec la productrice Sophie. C'est elle qui faisait les chœurs sur le magnifique It's Okay to Cry. La Montréalaise Cécile Bélive est maintenant basée à Los Angeles. Elle remixe ici une autre Montréalaise, Emma Beko, avec son fort joli Looking for You. Et nous sommes en 2025. Thank you. Ce soir, c'est un moment formidable parce que dans quelques instants, il y aura un match avec les Brésiliens et sur scène, un des meilleurs groupes brésiliens du moment. Ça, on va laisser parler la musique. Ils vont jouer maintenant pour le Brésil. Let's welcome Marcelo de Dois. Marcelo de Dois. La nuit des temps, l'international de la danse. Vétéran de Détroit, Jeff Miles. Il porte tout un pan de l'histoire de Détroit avec lui. L'électro, la house, la techno, la dance. Et à 61 ans, l'exploration continue. Jeff Miles improvise avec Gerard Mitchell au clavier, Yumiko Ono au synthé et Kenji Inoue à la basse. Chacun s'écoute et tous tournent autour du groove. You want me to sound like Julie London? No, sound like Diana Washington. Would you rather me sound like Lady? I'd like you to sound like Diana Washington. I could sound like Spokane Washington. I'd like you to sound like Diana Washington. Wow. Evening too. I said early every morning, early every evening too. I get so doggone lonesome for ya, baby, I don't know what to do. Well, you told me you would leave me, you told me you would go away. Ah, yeah, yeah, yeah, you told me you would love me, told me you would go away. Well, I told you you were lying, I didn't believe a word you said. Well, you told me you would leave me, I told you you could go. I told you a lie because I need you so. Early every morning, early every evening too. I said early every morning, early every evening too. Baby, I get so lonesome for you that I don't know what to do. Go. I told you a lie because I need you so. Early every morning, early every evening too. Yeah, yeah, yeah. Early every morning, early every evening too. I get so lonesome for you that I don't know what to do. La nuit des temps, Radio Duo. I autre pan de la hausse s'emploie à piller dans les champs religieux le sacré pour les détourner et foncer vers la dance. C'est ce que fait le Hollandais Art Frick avec ses productions teintées par les origines gospel, latino et afro-caribéennes de la disco new-yorkaise. Il s'entoure ici des Perpetual Singers et s'est reboosté par Another Taste, des couches, des surcouches, des sur-surcouches. Answer your damn phone, bro. What you doing? I got some Dutches, got a bottle. I'm ready to hit the city, man. Hit my line, we finna leave out. The truth of your soul, you know the truth of mine. When I lay my hand on your shoulders, I wanna lift the weight of the burden that I knew you can't get inside. And just from time to time, let me treat you with simple pleasures. A little leisure. So when it gets intertwined, you just gotta remember some things don't belong to us. It can get insidious. So what about you? Let it go and try to focus your mind on whatever I'm willing to do just to make you feel right. I wanna let my fingers travel on the floor, let you get that. In my warmth, you can die and you can chill for a ride. Let it go and try to focus your mind on whatever I'm willing to do just to make you feel right. Let my fingers travel on the floor, let you get that. In my warmth, you can die and you can chill for a ride. Simple pleasures, a little leisure. So when it gets intertwined, you just gotta remember something's don't be long to us. It can get insidious. So I just watch you let it go and try to focus your mind. Whatever I'm willing to do just to make you feel right. Wanna let my fingers travel on the flesh of your thighs and my warmth again and take a chill for a ride. What about you? Let it go and try to focus your mind on whatever I'm willing to do just to make you feel right. I wanna let my fingers travel on the flesh of your thighs and my warmth again and take a chill for a ride. Version trio, le quatuor, Tamba 4. Nous sommes à Rio pendant le joli mois de mai 1968. Thank you. Il appartient à cette génération de producteurs japonais hautement influencés par le Yellow Magic Orchestra. Ce sont un peu les Kraftwerk nippons. Mais Shinichiro Yokota, lui, eh bien, il basculera du côté de la house, tout en gardant un petit goût d'Orviens-y pour les pionniers du hip-hop. La nuit des temps, l'international de la danse. Et si pour faire face, la partie était la solution? Et si pour remballer les oiseaux de mauvais augure, nous sortions en soirée pour aller danser? Et si tout simplement, nous poussions la soule scintillante de Floyd Beck au max? You're wondering why, don't you feel good? Well, when is the last time you did what you should? Talking about questions creeping in, and the world's running thin. I say that the solution is a party, everybody grin. Oh, come on, a party, it's more than a notion. A party means smile, put yourself in motion. A party, move your body. Disco, a party, moving fast or slow. Don't just sit there feeling insane. You with the music, dancing to you the pain. Since the beginning, fun been a good for the soul. Everybody up, let the good time roll. La nuit des temps, Radio Dio. Mais oui, il faut prendre au sérieux les lyrics de la house, de la soul, du disco et de la dance. Et notre mantra ce soir était porté haut et beau par Floyd Beck. Car ce soir, la partie, la fête, la danse sont la solution. Et pour poser cette équation, nous avons appelé sur le dance floor de la nuit des temps le cha-cha-cha de Juan Montego. La divine Charlie Basset également pour recadrer les mâles, alpha et autres terreurs de la planète. Il y avait aussi sur notre dance floor Emma Beko et Cécile Bélive qui cherchaient après nous. Le quatuor brésilien Tamba depuis 1968 et en powerplay cette semaine. Et quel bonheur de retrouver Jeff Miles et sa spirale de luxe qui vient de sortir il y a quelques jours pour improviser encore et encore et encore. On a également reçu Dina Washington tout le matin et en studio. Également Afrique pour sacraliser la dance, Sophie Solivo et sa harpe magique. Et Shinichiro Yokota, qui lui conduit la nuit, mais avec la radio à fond. Comme Dan, qui va pas tarder à arriver dans les studios, juste après la nuit des temps, pour comme à la radio. Ce sont des bidouillages de l'essence légende sur Radio Dio. Dan et ses impros, pas vu pas pris avec des vinyles, du numérique, des ordis et des bidouillages. Tout ça pour maintenant lever le nez vers le ciel et regarder les étoiles briller sur notre bonne vieille ville de Saint-Étienne. Et ça brille. Et les ondes se mixent. Et ça va improviser. Comme tous les jeudis soirs, autour de 22h, quelques bonus surprises pour faire la jonction avec comme à la radio et décoller vers le 7e ciel. Buona notte. Salut. La nuit des temps, l'international de la danse.